Celle-ci pour les futurs pauvres à qui il tourne. Je veux pas de nous tous, pas des rebelles, des bouchers, bon qu'à boycotter les coups. Ces gens assis en tailleur, qu'on méprise fort, ne font qu'attiser nos peurs, faire un jour partie de ce décor. Continue ta route, serre les dents, écoute cette voix qui te rend fier d'être prospère et élégant. Le candidat est condamné à se tourner les pouces. Que dira-t-on à nos gosses, sa femme, et quand on mentira tous? Quand il aura plus ton amour dans sa cuillère à soupe, et qu'il tousse et qu'il pousse, l'amour il t'en faudra beaucoup si tu comptes rester debout, encaisser les coups, les insultes et préserver ton couple des disputes qui reviendront en boucle. Aujourd'hui, ton pognon te disculpe, mais demain. Allez tous dans la rue, leur prouver qu'on a de la joie. Tous dans la rue, tous dans la rue, insuffler de l'espoir dans la joie. Allez tous dans la rue, leur prouver qu'on a de la joie. Tous dans la rue, tous dans la rue, insuffler de l'espoir dans la joie. À ce jour, en cet état démocratique, la manifestation est un droit fondamental de la citoyenneté. Ce droit se fait devoir lorsque la subsistance d'individus, quel qu'il soit, est mise en péril. Tu te croyais à l'abri, caché derrière ton CDI, craché sur des pauvres gens qui survivaient du RMI. C'était mignon y'a de ça 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est par la racine que tu les manges. Les pissenlits perturbés comme un gosse qui pisse encore au lit. Certains se noient dans l'ivresse via hashish et whisky. C'est plus les rêves mais les soucis qui peuplent tes nuits. La nécessité devient un frein à la moindre de tes envies, et la pression t'assaille quand l'espoir s'en est fini. Leur plan est en marche, la suite déjà définie. Avec un smic élevé des gosses pour le succès, c'est pas dit. On était voués à faire partie d'une génération dorée. Leur société de l'emploi démographiquement légitimée par leur papy boom. Mais dans les faits, c'est dans les fesses, c'est pas ça. Rien qu'une génération de rats revanchards qui blague pas. On s'est fait baiser car on est trop nombreux en bas, hermétique devant l'avenir quand la richesse se fait loi. Et si t'as pas une thune, pour eux c'est faire. Allez tous dans la rue, leur prouver qu'on a de la joie. Tous dans la rue, tous dans la rue, insuffler de l'espoir dans la joie. Allez tous dans la rue, leur prouver qu'on a de la joie. Tous dans la rue, tous dans la rue, insuffler de l'espoir dans la joie. Aujourd'hui tu vissais dans ton canapé devant ta télé, et demain pousse à la rue. Aujourd'hui t'es formaté, à ton nid douillet t'es menotté. Alors, tous dans la rue. Aujourd'hui tu t'enfermes sans même calculer ton voisin de palier. Mais demain, tous à la rue. Aujourd'hui tous divisés, on passe son temps à jalouser. Alors, tous dans la rue. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Alors, tous dans la rue. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Aujourd'hui la menace plane plus que jamais, ça te fait flipper. Alors, tous dans la rue.